Caroline Gillet, vous êtes à un autre bijou. Quel est le temps de ce matin? Le temps de ce matin, malheureusement, c'est pas un cadeau, il faut le dire, puisqu'on a frôlé les 0 degrés cette nuit du côté d'Elsenborn. Régulièrement, on aura en dessous de la barre des 10 degrés pour la matinée sur la plupart des régions. En début de matinée, on peut peut-être avoir encore une petite éclaircie sur l'est, mais ça ne va pas tarder à se couvrir, malheureusement, des nuages qui arrivent à partir de l'ouest. Déjà, les premières averses présentes au littoral et sur l'ouest du Hainaut. Cet après-midi s'annonce automnale avec de la fraîcheur, encore 14 à 18 degrés, un peu comme hier. Quelques bancs de brouillard qui pourront se former sur les hauteurs de l'Ardenne en fin de journée. Et puis en attendant, des nuages nombreux, de la pluie aussi, en faible quantité, mais tout de même. Durant la nuit, le ciel va devenir progressivement un peu plus dégagé. On aura 10 à 15 degrés. Et puis demain, retour du soleil tout de même et de la douceur aussi. On aura 19 à 25 degrés. Une alternance entre éclaircies et passages nuageux. Le long week-end du 15 août s'annonce ensoleillé, lui aussi, doux, avec jusqu'à 27 degrés sur Bruxelles pour mardi. Il est 8h et à la une de l'actualité ce matin et de 3, une troisième médaille pour la Belgique cette nuit à Rio. Peter Timmers a décroché l'argent sur le 100 mètres nage libre. On entendra sa réaction dans une minute à la sortie de l'eau. Le sud de la France touché par d'importants incendies depuis hier. Ce matin, la situation est sous contrôle, mais toujours délicate au nord de Marseille. Reportage dans ce journal. Les allocations liées au congé parental coûtent trop cher pour le syndicat neutre des indépendants qui réclament leur suppression. La FGTB parle de provocation. La FEF somme, elle, la ministre de la Santé de se prononcer sur la reconnaissance du métier de psychomotricien. Les étudiants déplorent que depuis son avis négatif rendu en juin, rien n'a bougé. Enfin, une nouvelle application santé, elle promet de dépister les grains de beauté suspects. On verra en fin de journal si on peut s'y fier. Et c'est donc un véritable exploit signé cette nuit par le nageur belge Peter Timmers. Le Limbourgeois a décroché la médaille d'argent sur 100 mètres nage libre derrière l'Australien Kyle Chalmers. Une médaille complètement inattendue dans l'un des sports rois des Jeux Olympiques. On écoute sa réaction juste après sa sortie de piscine. Kan niet geloven, ja. Het is ongelooflijk gewoon. Ja, heel blij natuurlijk, maar ook emotioneel. Je ne peux pas le croire, oui c'est incroyable. Je suis content évidemment, mais surtout très ému. Je n'ai pas de mots pour ça, oui c'est fantastique. J'ai travaillé dur pour vivre ce jour. Ceci est le momentum où tout se met en place, où je cueille les fruits de toutes ces années. De chaque entraînement, j'ai tiré des enseignements, de chaque course aussi. Passer les séries n'est jamais facile, les demi-finales non plus. Et puis je fais cette course, oui c'était vraiment la course parfaite. Perfect race. Un des propos recueillis par François Zaleski, la course parfaite, et on peut le dire, Manu Jousse, une performance aussi belle qu'inattendue pour Timmers. Oui, belle parce que la natation est avec l'athlétisme le sport phare des JO et que le 100 mètres nage libre, plus particulièrement, en est la discipline reine. Inattendue ensuite parce qu'il est rare qu'un sixième chrono en demi-finale se transforme en une médaille d'argent en finale. Peter Timmers a nagé la course de sa vie et il ramène une médaille belge en natation 20 ans après l'or de Frédéric de Burgrave à Atlanta. Point commun entre les deux nageurs, leur coach, le néerlandais Ronald Gastra. Yeah, what a race, c'était formidable. Il était tellement calme avant la course que j'avais... Oui, quand même, si ça ne fait pas une médaille, mais si ça fait bien qu'il pouvait bien nager. Il rigole encore jusque deux minutes avant le départ, donc ça, tu vois des choses qu'il va bien nager. C'est quoi la force d'un Peter Timmers? La tête. Il sait vraiment bien faire un parcours, c'est le race, il est très bien de ça. Il est tellement calme, c'est énorme. Il aime... les conditions ici. Il aime les pressures, il aime se battre avec quelqu'un. Voilà, Ronald Gastra, coach de De Burgrave en 96 et donc de Peter Timmers en 2016. Alors à peine le temps de savourer une troisième médaille belge donc, qu'on se projette déjà dans le programme du jour. Et il pourrait nous amener d'autres satisfactions, Manu. Oui, puisqu'on suivra attentivement en judo le parcours de Thomas Nikiforov en moins de 100 kilos, 8e mondial, tête de série, médaillé de bronze au dernier championnat du monde. Le Bruxellois est objectivement une chance de médaille belge. Et puis aussi le grand retour du golf au JO, 112 ans après sa dernière inscription au programme. Chloé Lurquin frappera ses premiers swings mercredi prochain. prochain. Mais côté masculin, Thomas Peters entrera en piste aujourd'hui. Nicolas Kolsartz aussi, avec la médaille dans le coin de la tête. Ah ouais, dans le coin de la tête, sûrement, ouais. Maintenant, voilà, en golf, c'est 4 jours de compétition. Il y a 4 tours à jouer. Il y a des semaines où on joue bien ou on passe à côté. Il y a des semaines où on arrive un peu à moitié et on arrive à tirer son épingle du jeu. Donc voilà, il faut voir comment ça se met. Mais c'est vrai que si je suis bien mis, arrivant avec un tour à jouer et peut-être 9 trous à jouer sur la fin du tournoi, c'est vrai qu'à ce moment-là, ça va un peu commencer à pomper. Et c'est clair qu'aller chercher une médaille au bout, ce serait quelque chose de top. Une interview de Françoise Aleski. Merci Manu Jousse. A signalé encore aujourd'hui le 4e match de notre équipe de hockey face à l'Espagne. Et puis en tennis, le 8e de finale de David Goffin. Ce sera contre le Brésilien Bellucci. Plus de peur que de mal hier soir à l'aéroport de Zaventem. Le plan d'urgence y a été déclenché suite à 2 alertes à la bombe sur 2 vols à destination de Bruxelles. Alertes qui se sont finalement avérées fausses. Des renforts ont été envoyés sur la piste et une unité médicale mobilisée. Mais au final donc pas de bombe dans les avions et pour les passagers un vol sans panique, sans histoire. Une enquête a tout de même été ouverte. En France, plusieurs incendies ravagent le sud du pays depuis hier après-midi. Oui, dans les Bouches du Rhône et dans l'Hérault, au moins 2 personnes ont été blessées et plus d'une vingtaine de maisons évacuées. 4 blessés aussi dans les rangs des pompiers. Ils sont 1800 à lutter contre les flammes. Et c'est au nord de Marseille que le feu est le plus violent. Hier soir, les foyers étaient maîtrisés car les conditions météo étaient plus favorables. Dans d'autres villages, par contre, la situation est toujours extrêmement dangereuse, comme au Pen Mirabeau, où des centaines de personnes ont dû passer la nuit dans une salle polyvalente. C'est un reportage d'Olivier Martoc. Au Pen Mirabeau, 20 000 habitants, le plan d'évacuation du village a été déclenché en début de soirée quand les flammes sont arrivées aux portes du centre historique. J'étais obligé de suivre les consignes d'évacuation pour être à l'abri, hein, parce que le feu menaçait tout le village. Très impressionnant, oui. On respire, mais difficilement. Hein. Les fumerolles qui viennent sur vous, c'est pas évident. Hein, donc il vaut mieux se mettre à l'abri. Il y a toujours l'angoisse, naturellement. Hein. Mais bon, il faut faire avec. Hein. Monique Slissa, comme la plupart des élus de la commune, a tenté de réconforter tout au long de la soirée ses concitoyens. Le vieux village a été évacué parce que ça brûlait sur la crête et dans le vieux village. On l'a vu, on était au Loge. On a une population assez âgée là parce que c'est celle du vieux village et qui veut absolument retourner au plus vite dans sa maison et on a toutes les peines du monde à les empêcher de partir. Mais on fait ce qu'on peut, c'est-à-dire que bon, on les fait un peu boire, après on essaye de les faire manger et puis eh ben, on les écoute un peu, on les connaît, donc on leur parle. Il y a quelques cas plus difficiles que d'autres. Les gens qui ont vu brûler leur maison, qui ont pensé qu'elle brûlait, voilà. La plupart des habitants évacués ont pu rejoindre leur domicile ce matin. Le feu, toujours très virulent, malgré une accalmie du vent qui souffle actuellement à 30 km/h, s'est déplacé sur les collines en direction des quartiers nord de Marseille. Un reportage d'Olivier Martoc de Radio France. Au Portugal, les feux de forêt sont terminés, du moins dans la région touristique de Madère. C'est ce qu'indiquent Jet Airfly et Thomas Cook. Les vacanciers belges présents sur place et évacués ont pu regagner leur chambre. Et il n'y a plus de menace pour les régions touristiques de Madère, indiquent les tours opérateurs. Le feu fait par contre encore rage dans l'ouest de l'île où 4 personnes sont décédées. Et dans le nord du Portugal, les affaires étrangères invitent à la plus grande prudence. L'alerte incendie est à son maximum jusqu'à demain au moins. Les congés parentaux qui ont de plus en plus de succès. Oui, près de 60 000 travailleurs y ont eu recours l'an dernier. Une mesure qui coûte 150 millions par an au budget fédéral. C'est beaucoup trop pour le syndicat neutre des indépendants. Le SNI qui réclame la suppression pure et simple des allocations liées au congé parental. Une position radicale qu'il justifie par le fait que les indépendants ne peuvent pas en bénéficier. Voilà de quoi faire bondir la FGTB. Les explications de Thierry Van Gulik. Pour le SNI, c'est clair. Si le congé parental peut être préservé pour les salariés, l'allocation de 800 euros brut qui l'accompagne doit être supprimée. Christine Mathéus, présidente du syndicat neutre des indépendants. La seule chose qu'on demande, c'est qu'on n'octroie plus une allocation qui est liée au congé parental. Ce que reproche surtout le SNI à cette mesure, c'est qu'elle ne profite pas aux indépendants. Moi, je n'entends jamais que c'est quand même dommage que les indépendants n'ont pas droit à un congé parental, mais dès qu'on touche aux droits des travailleurs, tout le monde crie très fort que ça va pas du tout. Pour Marc Goblet, président de la FGTB, le congé parental a d'abord pour but de mettre fin aux discriminations entre hommes et femmes et d'assurer un meilleur équilibre entre vie familiale et vie professionnelle. Et l'attitude du SNI était incompréhensible, ce n'est que d'avoir la volonté de tout le temps remettre en cause les avantages qui sont accordés aux travailleurs. C'est, je pense, une attitude qui ne peut pas être acceptable. Et Marc Goblet d'espérer que le gouvernement Michel ne donnera pas suite à ce genre de proposition qui ne ferait que pourrir le climat social pour un bénéfice dérisoire. Et on en arrive à ces questions que se posent de nombreux étudiants. Vais-je passer en deuxième année de médecine ou encore est-ce que je peux m'inscrire en psychomotricité? Et oui, la rentrée n'a jamais été aussi incertaine pour eux. D'un côté, les étudiants en première année de médecine recalés par le concours. De l'autre, les étudiants et diplômés de psychomotricité qui ne savent pas si leur profession sera reconnue ou pas. Tous attendent des décisions des autorités, notamment celle de Maggie Debloc, la ministre fédérale de la Santé. La FEF perd patience, la Fédération des étudiants francophones, qui porte plainte contre la ministre Yasmina Favaro. Oui, hein, vous l'avez dit, hein, donc d'un côté, il y a des centaines d'étudiants francophones en médecine qui sont en stand-by. Et l'avis du Conseil d'État a donné raison aux étudiants namurois. Les quotas du concours de première année étaient illégaux. Une décision qui a ouvert la voie à beaucoup d'espoir, mais aussi beaucoup d'incertitudes. Écoutez à ce propos Maxime Maury, président de la FEF, la Fédération francophone des étudiants. En médecine, c'est un peu le flou juridiquement. C'est donc des recours en suspension pour les étudiants de Namur et de Liège qui ont introduit un recours auprès du Conseil d'État. Et maintenant, par la suite, ce qui doit arriver, c'est un recours en annulation. Et par rapport à ça, il y a un délai de 60 jours. Il arrivera à échéance vers la mi-septembre. Son avis, c'est très très tard. Dans son avis, le Conseil d'État dénonce donc un système de quotas sans fondement. Ce sera sans doute cet avis-là aujourd'hui ou demain pour les étudiants de Liège qui ont également déposé un recours. Et l'incertitude aussi, on le disait Yasmina, pour la profession de psychomotricien. Oui, on le sait, hein, le Conseil national des professions paramédicales a estimé que la profession de psychomotricien n'était pas une profession à part entière. La douche froide donc pour les nouveaux diplômés et les étudiants inscrit. Depuis cet avis, en juin, la ministre de la Santé, Maggie Debloc, n'a toujours pas changé la loi, ce qui empêche tout recours pour ses étudiants. Le seul problème est que les étudiants maintenant sont dans le flou par rapport à l'avenir de leur cursus et de leur profession, hein, et empêche tout recours juridique envers cette décision. Vu que la loi n'a pas été modifiée. Au cabinet de Maggie Debloc, en tout cas, on dit attendre l'avis final du Conseil national avant de rendre cette décision. Merci Yasmina pour toutes ces précisions. Yasmina Favaro avec Juliette Arriga. Et puis cette nouvelle application santé pour smartphone, c'est une appli qui dépisterait les mélanomes. Plus de 2000 nouveaux mélanomes sont détectés chaque année et ça ne fait qu'augmenter, en cause notamment l'exposition au soleil. Des informaticiens l'ont bien compris. Ils ont développé des applications qui promettent donc un dépistage précoce des grains de beauté suspects, car les prendre en charge rapidement, on le sait, permet d'éliminer le problème. Alors, que valent ces applications? Tentative de réponse avec Odile Lehert. Maïté a 33 ans, elle a beaucoup de grains de beauté. Des points de beauté, j'en ai partout. Sa première visite chez le dermatologue, c'était à l'âge de 8 ans. Ce dermatologue m'en a détecté 3 à enlever. Depuis lors, cette visite est devenue un rituel. Chaque année, je vais chez la dermato. Maïté fait partie du public ciblé par ces nouvelles applications de dépistage précoce de grains de beauté suspects. Le principe, vous photographiez votre grain de beauté à l'aide de votre smartphone, qui l'analyse. François Salès, chirurgien spécialiste du mélanome à Bordeaux, il l'a testé pour nous et n'est pas convaincu. Ils vont pas vouloir prendre le risque, avec une tâche un peu bizarre, de vous dire que c'est quelque chose de bénin qui ne nécessite pas d'avis médical. Donc ils vont probablement un petit peu surévaluer la gravité de différentes tâches. Ça va de toute façon engendrer une visite chez un dermatologue. Elle risque donc d'une part d'inquiéter inutilement des patients qui risquent même d'être dubitatifs si le diagnostic du médecin ensuite est moins alarmiste. Et puis, une visite chez le dermatologue coûte moins cher, insiste François Salès. Si vous voulez l'utiliser plus d'un mois, il va falloir commencer à payer. Donc c'est 5 euros par mois ou un forfait de 25 euros par an. Soit plus qu'une visite chez le dermatologue après remboursement par l'INAMI. Maïté, elle, ne s'y trompe pas. Je préfère être dans les mains d'un spécialiste que dans les mains d'une application sur mon téléphone. Surtout, je ne sais pas si l'appareil photo de mon téléphone est vraiment efficace et donc est-ce qu'il verra tout? J'en sais rien. Voilà qui est noté. Conclusion, faites gaffe au soleil. Votre dernier coup de soleil, David, c'était quand? Je n'en ai jamais parce que je me protège toujours très très bien. Et pour les personnes qui ont des coups de soleil, donc de la tomate à mettre sur le coup de soleil, oui. Ou la mozzarella. De l'aloe vera. Bien sûr, alors de la tomate et surtout lever les bras. Vous le saviez, n'est-ce pas, Pierre ? Mais non, je viens de l'apprendre. Ok, oui. Et donc mettez-vous tout nu. Alors c'est la conclusion. Vous le saviez que c'était la méthode ? La tomate ? Ouais. Oui, écoutez, de la bolo, c'est pas mal. Hein, okay. Ça. Oh. Ouais. Rappelez-moi où vous avez fait vos études de médecine, David. Mais non, mais je vous ai demandé que la tomate atténue, donc justement les rougeurs, ainsi que l'aloe vera. Ok, bah merci. Voilà, vous essayerez. Merci, docteur, dans ce cas. 8h15, voici un nouveau 8-9. Stéphane, RTBF Mobile Info. Et on va aller voir là où il y a la couleur tomate sur la route, c'est-à-dire là où il y a des embouteillages, et c'est le cas autour de Bruxelles, pour rejoindre Bruxelles, mais également pour rejoindre Anvers sur le 19. L'axe Macquelon-Anvers, 16 minutes supplémentaires pour aller à Anvers et 10 minutes pour rejoindre Bruxelles depuis Anvers via le 19. C'est la 12 qui vous ralentit également ce matin, une dizaine de minutes supplémentaires pour rejoindre Anvers depuis Strombeek-Bever, 8 minutes pour rejoindre Strombeek-Bever depuis Anvers. Et puis si vous devez rejoindre le littoral, sachez que le chantier entre Herpemer et Wetteren vous ralentit, 13 minutes supplémentaires à partir de Grand-Billard pour rejoindre Ostend, mais une bonne nouvelle, ce chantier sera terminé vendredi soir. Autre chantier qui va lui perdurer, c'est le chantier situé à Anderlecht où la circulation s'effectue sur deux voies rétrécies en circulation intérieure du ring de la capitale, 10 minutes supplémentaires entre Ittre et Grand Bigard, et en circulation extérieure une dizaine de minutes également, toujours en raison du même chantier entre Grand Bigard et Ittre. Un problème sur la route ? Prévenez le call center RTBF Mobile Info 0800 48 400. Alors pendant que le docteur fait ses consultations, Pierre, vous nous emmenez où dans une seconde ? À la piscine ! Ah, bah voilà, à côté ! Ah bah ça tombe bien ! Piscine ? Cette semaine, Vivacité vous offre une journée en famille ou entre amis à la mer. Écoutez un air de vacances et gagnez un des Rail Pass SNCB mis en jeu qui vous permettra de vous rendre à la côte belge avec 4 autres personnes de votre choix. Si vous restez en Belgique au mois d'août, profitez-en pour prendre l'air en collaboration avec la SNCB. Vivacité présente la Nuit des Étoiles à l'Eurospace Center ce 11 août. Retrouvez Cyril sur place dès 17h pour le 5 à 7. Venez observer le soleil, vous initier à l'astronomie et restez jusqu'au soir pour vivre la magie des étoiles filantes, nombreuses à cette date. Ce 11 août, tous à l'Eurospace Center, autoroute E411, sortie 24, pour la Nuit des Étoiles. Renseignez-vous vite sur eurospacecenter.be. Événement gratuit. Le 8-9 revient dans un instant sur Vivacité et sur la Une. 40 mètres de glissade ultra fun. Dévale le caméléon dans la couleur de ton choix et vis l'aventure rafting dans l'impressionnant Barracuda. Océade, c'est vraiment le numéro 1 en toboggan. Océade. Et terminez la journée en beauté par une visite à Mini Europe à deux pas de l'Atomium. Comment bien acheter quand... On voit la vie en rose. Alors on aime forcément le rosé. Chez Deleuze, jusqu'au 24 août, à l'achat de 3 bouteilles de rosé de 75 centilitres identiques ou différentes, la quatrième est gratuite. Deleuze. Bien manger. Notre savoir-faire se déguste avec sagesse. Vita, 8h, 9h, le 8-9. Et nous sommes donc mercredi. Tout à l'heure, les people en vacances, Julie. Oh, on va bien s'amuser. Vous allez voir, il y aura du Gad Elmaleh dans l'histoire, mais pas que. Chaïm, qui fout un petit peu le bazar aux Jeux Olympiques. Avec David, le look de l'été, fini de s'intéresser au visage. Pour une fois, nous allons vers les pieds. Les pieds. On va bien parler des pieds, des ongles et des sandales. D'abord, un chapitre chaussures, sandales, tropéziennes, sandalettes. Et en même temps, elles sont copiées par sur les spartiates. On dit des tropéziennes parce que c'est encore les Français qui ont voulu reprendre le truc. On voit ce que c'est pour ceux qui ne savent pas, ce sont les sandales avec des lanières. Oui. Vous avez quoi au pied, Julie, ce matin? J'ai mis mes boots d'hiver parce qu'il faisait froid quand je me suis levée à 2h du matin. T'as bien raison. J'ai pas regardé vos pieds, Catherine. Pareil, vous avez quoi? Pareil. Ah, vous êtes j'ai aussi remis mes chaussures d'automne. Petite botte. Ah, oula, Pierre, il fait le camel trophy. Ouais, c'est bon. Donc c'est l'hiver, vous l'aurez compris. 8h19 avant la grande évasion tout à l'heure, l'évasion express, et vous nous emmenez donc, vu le temps, à la piscine, Pierre. Oui, piscine. Si je vous parle d'un parc d'attractions célèbre dans le Bramont-Allon, vous voyez bien où ça se trouve. Je vous dis Walibi. Voilà. Un petit quiz, tiens, Walibi, ça date de quand, Walibi? Ah, 1950. Vous n'étiez pas né. Et des Raouettes, 50 et des Raouettes. Bah, 1987. Non. Ah, moi j'aurais dit 1970. Bravo. Ah, pour David. Bravo, monsieur. 75. Et à quoi Libye? Ah, bien plus tard. Non, c'est plus tard, c'est 89. Ah, presque. Non, début 90, moi j'aurais dit 88. Ah, ouais. 1988. D'où vient le nom Walibi? Il en pose des questions. Walibi, c'est... Le nom du kangourou? Non, c'est Wavre, Limal et Bière. Non, ça vient de Walabi, c'est le cousin du kangourou australien. Ah. C'était le fils d'Eddie Meus, qui était le fondateur donc, de Walibi, qui avait trouvé ce nom-là pour le parc. Vous savez que ça a changé de nom, blablabla. Et donc, il y a Aqualibi à côté, célèbre centre aquatique, avec ses toboggans. Vous en connaissez quelques-uns? Non. Le Ranja Reverse. Non, ça c'est dans le parc. Non, non. Il n'y a pas le tornado. Non. Il y a le flash, le bebop, le rapido et l'extrême également. Ouais. Et puis vous avez les jacuzzi, vous avez aussi la piscine à vagues. Alors moi, il y a un petit truc que je me demande. Est-ce que c'est une légende urbaine? Est-ce que dans les piscines, ils mettent vraiment un produit qui détecte quand on fait pipi dans la piscine? Eh bien, il y en a certains, c'est rouge. C'est possible. C'est ça que je sais pas. Alors j'ai une personne qui m'a dit: David, si tu fais pipi dans une piscine, maintenant c'est rouge. J'ai dit: c'est pas possible, j'ai fait pipi la semaine dernière, c'était encore vert. C'est quoi ce veston? C'est quoi ce veston rouge? Mais non, mais il m'a dit qu'il y avait un colorant. Ceci dit, à mon avis, s'ils mettent un colorant à Aqualibi, l'eau est rouge tout le temps. Donc, mais non, il vaut ça, mieux qu'ils en mettent ça. Ça n'engage que vous. Hein. Non, ben c'est vrai, c'est vrai. Bon, qu'est-ce qu'on ne peut pas porter à Aqualibi comme vêtements? Des longs shorts. Longs shorts, ouais. Mais des tongs non plus, des bermudas, des vêtements de surfeur, des pareos, des trucs comme sérieux, ça. Sérieux, les petites sandales en plastique pour ceux qui ne veulent pas toucher le sol? Non. On ne peut pas non plus. On ne peut pas, on doit absolument avoir des verrues. Et les mycoses. Ça, c'est pas dit, hein. Chouette. Et voilà. Alors, la mycose peut être un hobby qui peut être bon, ça peut être un élément. Sachez aussi que chaque vendredi, il y a des nocturnes jusqu'à 22h. Ah, voilà. Ça, c'est chouette. Le truc est chouette. Pour ceux qui veulent aller nager de nuit. Je l'ai fait l'an dernier avec une partie de l'équipe de Viva. L'eau est délicieusement chaude. Vous avez déjà nagé dans un Aqualibi, Julie? Pas du tout, non. Ah, bah l'eau est délicieusement chaude. Vous voyez, 29 degrés. Hein. Ah, c'est deux saisons pour l'instant. Catherine, vous êtes déjà. Oui, ça fait super longtemps. Et moi, j'aimais beaucoup les toboggans noirs dans lesquels vous ne voyez rien. Je pense que ça existe là aussi. Et alors, je sais plus s'il y en a un avec une bouée. Ou pas, il y en a un. Oui, avec une bouée, oui. Ouais, on doit aller. Alors, ça c'est le... Attendez, c'est le bebop, ça. Le bebop. C'est le bebop, voilà, 140 mètres sur une bouée. Et ça y va fort. Bah, 50 km par heure à peu près, c'est chouette, non ? David, comment être chic avec un maillot, donc pas maillot short pour les hommes, donc c'est plutôt un maillot slip, hein. Comment être chic ? En fait, on va dire que ce sont les maillots 3/4, comme ça, donc qui prennent vraiment... C'est comme une bande, en fait, et ça c'est le plus élégant. Un peu comme... Si maintenant on le fait un peu trop gros paquet, ça fait un peu trop macho. Daniel Craig dans James Bond, quand il sort de l'eau, c'est un peu ce maillot. Daniel Craig dans James Bond. Je me souviens plus, c'est pas un maillot genre shorty comme on dit. C'est ça. Voilà. C'est comme une bande, comme ça. Donc pour les femmes, on dit shorty, et pour les hommes, on dit quoi? Bon, sincèrement, je ne sais plus. Un maillot. Un maillot. Voilà, on veut chercher des mots. Bon. Bon, toutes les infos, 365.be, et puis des places à gagner dans Vivre ici avec Marc Vernon à partir de 15h. 8h22, nous étions ce jour-là, Cactus, nous étions le 26 avril, et Yvan Mayer était venu s'expliquer au micro de Jérôme de Warzé. Bonsoir Monsieur Maréchal, permettez-moi d'abord de vous féliciter pour vos émissions de 9h à 11h qui mettent en exergue mon travail régulièrement puisque le piétonnier est un sujet que vous traitez tous les 3 jours depuis 6 mois. Et tout à l'heure encore d'ailleurs, oui. Vous permettez ainsi à vos auditeurs de s'exprimer, c'est très bien, et je constate que les avis sont fort partagés me concernant puisque 50% des appelants seulement proposent ma démission alors que l'autre moitié l'exige. Ça résume assez bien. Alors je voudrais vous répondre si vous me le permettez, ce qui ne sera sûrement pas le cas puisque j'ai déjà empiété sur votre temps de parole de plus de 17 secondes. Votre record est à 23. Mais dans le genre, je suis désagréable, je n'écoute personne et je fais ce que je veux, je vous supplante. Ceux qui exigent ma démission ne doivent jamais oublier une chose: si l'on ne m'a pas élu, c'est que je le mérite. En effet, avec 2660 voix de préférence, si j'étais à Durbuis, je ne serais même pas conseiller communal. Or ici à Bruxelles, je deviens bourgmestre, concluant ce que vous voulez. Avant moi, vous aviez Freddy Tillmans, qui ne s'est jamais occupé que de deux choses à ce poste. La première, boire. Et la seconde, planter un arbre lors du Maybaum. Vous admettrez que c'est un peu léger. Moi, je suis là depuis un an et on parle de moi à la Maison Blanche. Écoutez, monsieur Mayer, hier à l'hôtel de ville, il y a quand même 200 commerçants. Alors, vos chiffres sont erronés, comme d'habitude. Vu mes dernières décisions, il m'étonnerait beaucoup qu'il y ait encore 200 commerçants à Bruxelles. Et tous ces gens m'haranguaient justement hier parce qu'ils veulent que je travaille plus. Vous les avez entendus comme moi. Mayer, des missions. Mayer, des missions. Ouais, bah, enfin bon, monsieur Mayer, ce piétonnier, les commerçants sont pris à la gorge. Les restaurateurs sont exsangues. Le piétonnier n'est absolument pas le problème. Les réelles causes de la désaffection du centre-ville sont autres et évidentes. D'abord, le drame du SF. Je crois qu'il est encore dans toutes les mémoires. C'était il y a 1000 ans. Les stigmates de cette catastrophe sont trop présentes. Dois-je vous rappeler que cet événement était du ressort de Charles-Ferdinand Nothomb, un CDH, tiens. Encore une fois, l'opposition tente de fuir ses responsabilités. Ensuite, vous remarquerez que la désertification du centre-ville coïncide étrangement avec la nomination de François Skepmans au poste de bourgmestre de Molenbeek. J'en parlais avec mon vieil ami, mon frère, Philippe Moreau, qui m'invite encore régulièrement chez lui, à la mosquée salafiste de la rue des 80, et qui me disait, entre deux sourates, que depuis que la vieille doche avait foutu les pieds dans ses babouches, même la mère Laurette se cloîtrait chez elle à l'âne après avoir miné son jardin. Et enfin, et c'est une évidence, les tarifs prohibitifs des menus dans les restaurants du centre-ville ne sont pas à même d'attirer le chaland. Un menu 3 services comme chez soi vous revient à 85 €. Vous rajoutez le parking géré par la ville, vous êtes à 650. Donc faites le calcul, si ces margoulins baissaient un peu leur marge sur les patates et les moules, je crois qu'on peut arriver à 630, voire 625 pour un menu, mais vous connaissez les indépendants, ils ne pensent qu'au pognon. De toute façon, tout le monde aime ce piétonnier. Tous les 5 ans, on organise les 20 km de Bruxelles, et il y a 35 000 participants, c'est bien la preuve que les Bruxellois aiment marcher. Oui, c'est vrai. Alors, la ville a aussi dévoilé hier le calendrier des travaux de rénovation des tunnels bruxellois. Absolument, nous avons été réactif, je crois, face aux défis immenses qui nous attendent. Et j'ai tenu personnellement à ce que ces travaux soient même avancés dans le calendrier. Et c'est pour cette raison que la rénovation du tunnel Bailly, qui est la plus urgente, débutera en octobre 2067, si le temps le permet. Et je m'y engage. Une date avancée donc, puisque les travaux étaient prévus au mois de novembre de la même année. Nous avons déjà pris contact avec les entrepreneurs après un appel d'offres, comme le prévoit la loi. Et je suis heureux de vous apprendre que c'est l'entreprise Arne Quinns d'Iroupo qui a décroché le marché dans la déontologie qui sied à toute opération de ce type sous la surveillance du cabinet Heutendahl. Je conclurai par ces mots, monsieur Maréchal, si vous le permettez. Je vous en prie. Le piétonnier, ce sera bientôt comme l'entièreté de Bruxelles-Ville, ça va marcher. Monsieur Mayer, merci. Je vous en prie. La limitation est troublante. Je me demande si l'on aura travaillé d'autres pendant les vacances. On verra ça à la rentrée sur Viva. C'est donc le 22. Et entre-temps, des petites nouvelles pour ceux qui sont en congé, qui ne viennent plus travailler à Bruxelles. Est-ce que les tunnels sont rouverts entre-temps? Je ne prends plus les tunnels, moi. C'est fini. Je passe sur le côté, à gauche, à droite. Tunnels à Bruxelles. Voilà. Bientôt, les jeunes ne sauront plus ce que c'est. Mais un non, tunnel. Les tunnels, ah bon, quoi? Rappel des titres dans un instant. Cet été, Vivacité tient une forme olympique. Ce lundi 15 août, de 14 à 17h, retrouvez-nous en direct de la Rio House à Ostende pour vibrer au rythme des JO avec les athlètes belges et le COIB. Les Jeux Olympiques de Rio 2016, c'est sur Vivacité, la radio du sport. Chérie, t'as mis le réveil ? Oui, 4h du matin. Oh, génial ! Bonne nuit. Les jus de fruits Materne, ça donne envie de se lever plus tôt. Merci les fruits. Merci Materne. Au rayon frais de votre supermarché. Cette promo sur les cubis. Oui, chez Intermarché, du 12 au 14 août, les cubis sont en 1 plus 1 gratis grâce à la carte de fidélité. Et nous sommes ouverts ce lundi 15 août. Horaire en magasin et sur intermarché.be. Intermarché, tous unis contre la vie chère. Notre savoir-faire se déguste avec sagesse. Viva City presents The Scottish Days. Pipe Band, Highland Games, Scottish Dance, Kilt Village, Mariage Clandestin, Gastronomy, Artisan and of course, Beer and Whiskey. Au Mémorial 1815 et à la ferme de Hougoumont au pied de la Butte de Lyon les 13, 14 et 15 août. Tickets sur 070.be avec la province du Brabant Wallon et TV.com. Vivacité présente, en partenariat avec Engie Electrabel, le beau vélo de Ravel. Tous en selle pour découvrir mon Namur. Rendez-vous ce 13 août, on brunch sur la plus grande citadelle d'Europe, et puis on pédale vers Malone, Bois de Villers et les bords de Meuse. À l'arrivée, concert gratuit de BJ Scott and Friends. Venez bouger avec nous, ça vous fera un bien fou. Avec le soutien de la Wallonie. En forme pour préparer le beau vélo de Ravel avec Engie Electrabel. Elle est pas belle la vie? Chez Brico Planit, c'est 13 et 16 août, moins 15% sur tout et moins 25% à partir de 250 € d'achat. Plus d'infos sur planit.be. Brico Planit, tout pour la maison. Avec vous Sport World, le meilleur du sport international débarque chez vous. Cette offre First Service est disponible pour moins de 15 € par mois. 14,99 € pour être exact. C'est quasi rien. Nix. Nadal. Bref, se passer de vous Sport World, ce serait être out. Alors pour en profiter, pas de hasard. Allez vite vous renseigner dans une boutique vous sur vous.be ou 0800 800 25. Si vous aimez le sport, vous devez avoir vous Sport World. Offre soumise à condition. c'est pas spécialement plus. Et vous nous rappelez, Catherine, l'actualité de ce mercredi. Avec une troisième médaille pour la Belgique aux Jeux Olympiques, Peter Timmers a décroché l'argent cette nuit à Rio sur le 100 mètres nage libre. Des centaines de personnes évacuées dans le sud de la France, touchées par de graves incendies. Le feu a ravagé plus de 2000 hectares de garrigues au nord de Marseille. Plusieurs personnes ont été blessées, dont des pompiers. La situation est sous contrôle ce matin. La Fédération des étudiants francophones a envoyé une mise en demeure à la ministre de la Santé. Il lui demande notamment de se prononcer sur la reconnaissance de la profession de psychomotricien, car depuis son avis négatif rendu en juin, rien n'a bougé. Bon, ça fait quand même deux fois que je dis qu'on est mercredi alors qu'on est jeudi. Oui, je vois que les autres dorment autant que moi. Non, c'est jeudi. Nous sommes jeudi. Soleil ce matin, non. Éclaircies rares. Ciel qui se couvre dans le courant de la journée. Pluie, 19 degrés de maxima. Voilà. 8h30. L'info dans notre région. Bonjour Anne Poncelet. Bonjour Benjamin, bonjour à tous. La ville de Verviers, une nouvelle fois pointée du doigt sur la carte du terrorisme. Un Verviétois serait l'un des kamikazes à l'origine d'un attentat suicide contre des soldats en Irak. L'information elle-même donnée par le groupe terroriste État islamique, ce Verviétois, ce serait Lotfi Aoumer ou Abou Anwar al-Beljiki. Et ce n'est pas le seul Verviétois à être parti en Syrie ou en Irak, Françoise Dubois. Ils étaient en fait une dizaine. Si la mort d'Aoumer est confirmée, il resterait une personne là-bas. Par contre, 6 d'entre eux clairement identifiés sont revenus. Que faire avec ceux qu'on nomme les returnees? Pour la bourgmestre de Verviers, Muriel Tarnion, il faut en tout cas les empêcher de radicaliser d'autres jeunes et ce n'est pas le cas. La bourgmestre socialiste dénonce un manque de décision des instances fédérales. Je clame vraiment mon indignation parce que le gouvernement fédéral avait fait savoir dans les médias que ces personnes seraient incarcérées ou en tout cas arrêtées. Or, depuis, pourtant, dès qu'elles sont revenues, on sait qu'elles sont là puisqu'elles sont surveillées par les forces de police. On sait qu'elles sont dans les associations, qu'elles continuent à radicaliser d'autres jeunes et malgré tout, on les laisse courir en liberté. La compétence terrorisme est clairement une compétence de l'État fédéral. Le gouvernement fédéral ne doit pas non plus reporter toute la responsabilité sur les bourgmestres. Moi, ce que je clame comme bourgmestre, ce n'est pas nécessairement d'avoir moi plus de responsabilité. Ce que je clame, c'est qu'on ait une législation qui nous permette d'arrêter de laisser courir des personnes dont on a toutes les preuves par la surveillance que l'on fait d'elles, qu'elles constituent des bombes à retardement. L'attaque de Charleroi le week-end dernier a augmenté les mesures de sécurité dans les commissariats de police. Nous vous en avons déjà parlé. C'est le cas dans les grandes villes, mais aussi dans les zones rurales. Sur la zone SB, 7 des 8 postes décentralisés ont suspendu l'accueil matinal du public. Les policiers sont là, mais travaillent porte close. Seul le poste local de Remicourt et le poste central de Warem conservent leurs heures habituelles d'ouverture au public. Le commissaire Jean-Marie Debroux, chef de corps faisant fonction avec Martial Giraud. Il s'agit de 7 commissariats décentralisés qui ne disposent pas d'un sas de sécurité. Dans ces commissariats, ils vont travailler porte fermée. Donc les commissariats continuent à fonctionner normalement. La seule chose qui change, c'est que l'ouverture au public, le matin, elle n'existe plus pour l'instant. Elle n'existe plus, mais les gens qui ont envie de rencontrer leurs policiers pour une raison ou l'autre sont à même de le faire. Ils sont invités par un avis à prendre contact par téléphone avec leur poste local ou avec le poste central de la zone qui est située à Warem, de manière à être mis en contact avec les policiers locaux. 900 emplois, une trentaine d'entreprises, c'est l'ambition d'un nouveau parc économique à Warem. Le dossier traînait depuis 15 ans, l'ancien parc est saturé et la région wallonne a enfin délivré le permis d'urbanisme. Il s'agit de l'extension du parc économique à proximité de Le 40, un projet de 36 hectares. Quels sont les types d'entreprises appelées à s'installer dans la future extension de zoning? Éric Dagonier a posé la question à Françoise Lejeune, la directrice de la SPI, l'agence de développement économique de la province de Liège. Par exemple, une société d'informatique, une société de production plus légère, genre une carrosserie avec une petite vente de véhicules, des choses comme ça. Ça, c'est en zone mixte, c'est plus petit. C'est la production praline, c'est, voyez, des artisans, ce qu'on appelait les artisans avant. Le menuisier, le petit menuisier peut aller. Par contre, vous avez une menuiserie industrielle avec des châssis avec 200-300 personnes. Là, c'est en industriel, c'est plus gros. C'est un gros budget. Oui, 17 millions, c'est un gros budget. Si on voit que le budget moyen de la région wallonne pour toute la région est de 20 millions sur le programme ordinaire. Donc il va y avoir un appel, c'est ce que le ministre nous a annoncé, pour un financement particulier pour différentes zones dans lesquelles nous allons bien entendu rentrer le dossier de Warem. Quand est-ce qu'on peut espérer voir les premières entreprises? À mon avis, vers 2019, nous pourrons commencer à voir les premières constructions. C'est une tradition à Malmedy. Chaque année, au 15 août, une omelette géante est préparée sur le coup de midi dans le centre-ville. Un monument de la gastronomie aux proportions insoupçonnées. Bénédicte Mathy, présidente de la confrérie de l'omelette géante de Malmedy. La poêle, elle fait plus de 4 mètres de diamètre. Son manche, c'est l'équivalent d'un poteau électrique, donc elle fait plus ou moins une tonne. Combien allez-vous utiliser d'œufs cette année ? Cette année, normalement 12 400. Donc on va rajouter 25 kilos de lardons, pas mal de ciboulettes. Je ne saurais pas vous dire combien ça fait de kilos, mais c'est une sacrée bassine. Il y a évidemment tout le travail de préparation. Vous êtes nombreux à préparer cette omelette. Tout le monde est placé autour de la poêle. Autour de la poêle, mais alors il faut d'autres personnes d'abord. Il faut d'abord casser les 10 000 œufs. Donc là, ça prend déjà un certain temps. Couper les pains. Là aussi, donc, ce sont des pains de 2 mètres de long. Plus alors après, une dizaine de personnes autour de la poêle pour pouvoir l'armuer. Là aussi, avec un outil relativement long. Oui, nous avons de très grandes panules, plus longues que les panules de Bolgi que nous avons au carnaval. Combien pensez-vous préparer de portions pour le public ? Cette année, je pense qu'on sera entre 3 500 et 4 000. Pas mal donc. Rendez-vous Place de Rome lundi. C'était une interview de Philippe Collette. En football, la SEPEN porte plainte devant la commission d'arbitrage de l'Union belge. EPEN conteste un pénalty litigieux accordé à Zulte Waregem lors de la rencontre du 30 juillet. Les germanophones estiment que l'arbitre a accordé le pénalty alors que la balle n'était pas encore en jeu. Ce but avait été le premier de la rencontre. Par la suite, les filets EPENois avaient encore été transpercés 2 fois. EPEN, qui reste sur 2 défaites, ira ce week-end à Westerlo. Et puis en tennis, vous l'avez vu, David Goffin n'a pas joué hier. Ce sera pour aujourd'hui. Tous les matchs ont été reportés à cause de la pluie. Je vous souhaite une très très belle journée. À notre écoute. J'aimerais Stéphane, le RTBF Mobile Info. Avec quelques zones rouges, mais rien d'alarmant sur nos routes. Benjamin, c'est donc une bonne nouvelle pour vous qui êtes en train de nous écouter dans la voiture. Il y a quand même des ralentissements, essentiellement suite à des travaux. C'est le cas sur le 19 avec un chantier entre Malines et Contic. Donc pour rejoindre Anvers depuis Macquelon, eh bien c'est 20 minutes supplémentaires et il faut compter un quart d'heure pour rejoindre Bruxelles depuis Anvers via le 19. Toujours les mêmes destinations, mais via la 12. Vous ralentissez vers Anvers, une dizaine de minutes supplémentaires depuis l'échangeur de Strombeek-Bever. Même timing pour rejoindre Bruxelles depuis Anvers. Filon sur le 40, l'autoroute de la mer où le chantier entre Herpomer et Wetteren vous fait perdre une dizaine de minutes en direction d'Ostende depuis Grand Bigard. Et dans l'autre sens, ça ralentit également pour rejoindre Bruxelles, ajouter 10 minutes. Autre chantier, il est situé à Anderlecht et vous ralentissez en circulation intérieure entre Bercel et Forêt, une dizaine de minutes supplémentaires. Et dans l'autre sens, pour la circulation extérieure du ring entre Grand Bigard et Ittre, et bien c'est là aussi 10 minutes qu'il faut ajouter à votre temps de parcours. Un problème sur la route ? Prévenez le call center RTBF Mobile Info 0800 48 400. Et la Belgique aux Jeux Olympiques est un pays médaillé. Bien sûr, bravo. Ben oui monsieur, 3. Encore une, nous allons à Rio dans une seconde. C'est l'été. Et qui dit été dit... Hé hey Phil, ça roule. Dis-je pars lundi en vacances. Tu peux me déposer à l'aéroport ? Mais en fait, ce que votre ami veut dire, c'est... Phil, dis-je pars me dorer la pilule au soleil. Il faut que tu passes 2 heures dans les embouts pour me déposer et puis repartir chez toi. Enfin non, pas chez toi, au boulot. C'est lundi, c'est vrai. Allez, merci, hein, ciao. Rendez-vous service et faites plaisir à vos amis en devenant ami chauffeur. N'allez pas à l'aéroport, mais à une gare SNCB, où ils prendront le train de l'aéroport. Vous évitez les bouchons et pouvez même remporter des vacances de rêve. Participez au concours sur amichauffeur.be. Le train. Salut, c'est moi, Hip, et j'ai une très bonne nouvelle pour vous. En ce moment, dans votre hypermarché Carrefour, à l'achat de minimum 100 euros, vous recevez une réduction de... BAM 10 euros. Profitez-en vite, cette action est uniquement valable jusqu'à ce samedi. Hypermarché Carrefour, les prix bas, le plaisir en plus. Voir conditions en magasin. De 8 à 9, le 8-9. Bon, je rappelle que les people seront en vacances tout à l'heure avec Julie. Gad Elmaleh et Chaïm. On s'intéresse à vos pieds ce matin. Double relook, David, relook d'été. Donc les sandales et les pieds. Voilà, quelles sandales choisir pour être élégant ? Quel vernis, quelle couleur vous conseillez d'ores et déjà ? Ah, moi, c'est toujours la French manicure. C'est, pour moi, c'est le parfait. Ou alors du foncé, ou alors du fluo. Ok, on verra les couleurs parfaites. Prenez le vernis à proximité si vous voulez. Et puis, revivons les moments de cette saison. C'est Danny Klein qui sera notre invité tout à l'heure. Summertime. Avec son album qui était consacré à Billie Holiday. Dans l'immédiat, 8h39, direction Rio. AG Insurance, supporter de votre vie et du Team Belgium. Vivacité. Les Jeux Olympiques de Rio en direct. Et on s'en va rejoindre Lise Burion. On est particulièrement fiers ce matin, Lise, puisqu'on s'en va à la 16e place du tableau des médailles. Eh ben oui, Benjamin. Pourquoi ? Parce qu'on a remporté une troisième médaille sur ces Jeux Olympiques de Rio. C'est déjà autant qu'à Londres, hein, sur la quinzaine londonienne, trois médailles. Ici, sur Rio, trois médailles aussi. On fait encore même mieux qu'à Londres, puisqu'on a une médaille d'or déjà, une médaille de bronze et une médaille d'argent, la dernière. Donc en argent, c'est pour Peter Timmers, le nageur. Il a remporté l'argent sur le 100 mètres nage libre, l'épreuve reine de la natation. On ne l'attendait pas là. On savait qu'il était capable de nager en finale et il a vraiment été au bout de lui-même. La course de sa vie pour remporter l'argent. Il a explosé aussi son record de Belgique du 100 mètres nage libre, 47 secondes 80 centièmes. Il termine deuxième de cette course remportée par le jeune Australien Kyle Chalmers, 18 ans. C'est un phénomène, Chalmers. Il termine aussi Peter Timmers devant le champion olympique en titre, l'Américain Nathan Adrian. Vraiment une belle manière pour lui de terminer sa carrière internationale, parce que ces Jeux sont sa dernière toute grosse compétition. Il l'avait déjà annoncé, il sort vraiment par la grande porte. Il quitte la piscine par la grande échelle, on va dire ça comme ça. Et il est monté donc sur la deuxième marche du podium tout à l'heure. Alors nous voilà contents ce matin. Les Brésiliens aussi sont contents, pas tellement pour notre médaille, parce que événement, leur équipe masculine de football, et on en parlait lundi, a enfin remporté une victoire, une première victoire. Oui, enfin, c'est un petit peu la victoire que tout le pays attendait, hein, parce que les Jeux Olympiques, évidemment, ça ne se résume pas au football, mais on est au Brésil et donc le football reste le sport roi. Ils sont très très contents, les Brésiliens, avec cette victoire 4-0. Ils n'ont pas fait dans le détail, hein, ça tombe bien. Après deux partages blancs, 0-0 contre l'Afrique du Sud et contre l'Irak, donc ça n'allait pas très très fort du côté des coéquipiers de Neymar. Et puis ben, là, donc 4-0 contre le Danemark. Le tournoi va continuer. Ouf de soulagement pour tout un pays, même s'il y a quand même l'équipe féminine aussi du Brésil qui carburait, elle, tout va bien, mais les garçons avaient plus de mal. Donc là, voilà, ils sont entrés dans leur tournoi 4-0, les fans respirent. Alors un œil dans les tribunes, pas tellement pour le match de foot, parce que les images qu'on vient de regarder montraient un peu de liesse et de monde, mais les tribunes, la plupart du temps, sont un tantinet vides, Lise. Oui, au football, la question ne se pose pas. Hein. Ça, évidemment, il y a du monde toujours, mais dans d'autres compétitions, on voit des tribunes parfois très, très vides. Nous, on l'a expérimenté, par exemple, au hockey. Pour le match entre le Brésil et la Belgique, là, il y avait du monde, évidemment. Mais à côté, sur l'autre terrain, il y avait le match entre l'Australie et l'Espagne. Australie, numéro 1, nation numéro 1 au ranking mondial. Et là, il y avait vraiment très, très peu de personnes. Ça résonnait dans tout le stade. C'était très triste. On avait vu ces images déjà à Londres, parce que il y a des sponsors qui achètent des places en avance et puis qui ne viennent pas au stade, qui n'en profitent pas. Il y a aussi, il faut bien le dire, des tribunes presse parfois un petit peu vides parce que les journalistes ne viennent qu'en fin de compétition. Et puis il y a aussi des spectateurs qui n'arrivent pas à temps pour les compétitions à cause notamment des contrôles de sécurité. C'est pour ça donc que ces tribunes sont parfois un petit peu vides. Les organisateurs pensent à offrir des places aux écoliers. Ça fera plaisir à tout le monde, aux télévisions pour les belles images, aux écoliers pour le plaisir de voir des compétitions des Jeux Olympiques. Écoutez, si les organisateurs souhaitent inviter l'équipe du 8-9, je pense qu'on est tous disponibles. Oui. Et il faut prendre un peu de soleil, ma belle, parce que t'es un peu blanche. Hein. Elle travaille, mon chéri. Si. Travaille. Vous savez qu'il ne fait pas très beau à Rio, en fait. Hein. Il pleut pour le moment. Aujourd'hui, on a eu la pluie toute la journée. Et voilà, mais ces gens travaillent. Vous êtes demandeur de place pour quelle discipline, Pierre ? Le foot, j'aime bien. Ouais. Foot, ouais. Foot Brésil. Ouais. Julie, vous voulez des places pour quoi ? La natation. Ah ouais, j'aimerais. Les beaux corps dénudés. Ah. Et vous, David ? Pour aller à la plage. Je ne veux même pas regarder les Jeux Olympiques. Je veux être à la plage avec toi, ma belle. Ok. Bon, 8h43 dans un instant. Les people en vacances et Danny Klein. Hérisson, tu te dandines sur les sentiers du Ravel. Tu louvois, tu dodelines lorsque les journées sont belles. Tu dégaines tes piquants au moment où vient Manon, chevauchant son vélo blanc et c'est la crevaison. Sur le Ravel, en tout temps, règne la loi du hérisson. Voilà pourquoi les AP Assurances vous proposent l'assistance vélo. Une assistance 24 heures sur 24 pour toute la famille à 60 euros par an. Plus d'infos sur lap.be. Les AP Assurances, toujours à vos côtés. Ceci est un produit d'assurance d'AGA International SA Belgian Branch. Bon, t'as pas oublié les maillots ? Non. Les valises, elles sont dans la voiture ? La voiture ? Et quelle voiture ? Restons zen. Jusqu'au 31 août, il y a les offres exceptionnelles prêtes à partir sur des Citroën neuves suréquipées, immédiatement disponibles. À découvrir sans tarder sur citroën.be. Citroën. Infos et conditions sur citroën.be. En ce moment, chez Colruyt, 3% de réduction sur tous vos achats, en plus des meilleurs prix. Jusqu'à mardi inclus. Regardez vite sur colruyt.be. Colruyt, votre garantie des meilleurs prix. Cet été, profitez en famille des meilleurs parcs d'attractions avec des entrées gratuites dans vos journaux La Meuse, La Nouvelle Gazette, La Province, Nord-Éclair, La Capitale et Le Soir. Chaque samedi, une entrée gratuite à l'achat d'une entrée achetée dans un parc d'attractions. Réservez vite votre journal et amusez-vous tout l'été grâce aux journaux Sud-Presse et Le Soir. Le 8-9. Bonjour tout le monde, si vous arrivez maintenant, voici les people en vacances. Et on commence par les vacances, Julie, de Gad Elmaleh en famille. Oui, alors attention, est-ce que vous vous souvenez de ceci, les amis? Bien sûr. C'est qui? C'est Madame de Monaco. Stéphanie de Monaco, très bien. Elle a une sœur, elle s'appelle Caroline de Monaco. Alors attention, petit cours d'histoire généalogique. Caroline et Stéphano ont une fille qui s'appelle Charlotte. Charlotte, c'est l'ex de un humoriste français, Gad Elmaleh. Ouais. C'est bien, vous êtes bon. C'est mieux, c'est mieux que les feux d'amour. Bref, ils ont eu un enfant ensemble, Raphaël. Mais Gad Elmaleh, lui, a eu un autre enfant encore avec Anne Brochet, une comédienne française. Il s'appelle Noé, donc deux enfants. Et donc, il passe ses vacances en famille avec ses deux gamins, Noé et Raphaël, à la plage, des petits châteaux de sable, tout simplement, gentiment, toute la journée. Noé, qui a 15 ans, donc 10 ans de plus quand même que le petit Raphaël, a posté sur son compte Instagram une petite photo en disant « Attention, je suis le plus heureux des grands frères de la planète. Oh, » C'est mignon. C'est super mignon, c'est un papa comblé, on peut le dire comme un Gad Elmaleh pour le coup. Oui, c'est les enfants qui ont vraiment posté la photo où on voit Gad Elmaleh sur le sable avec son petit. Son propre compte Instagram au petit Noé, enfin petit, il a 15 ans quand même, malgré tout. Vous êtes sûr que c'est pas Gad Elmaleh papa qui a posté le truc? Non, parce que là, non. La photo a réussi, moi je trouve que c'est pas mal comme photo. C'est mignon. C'est normal. Photo de famille. Ouais, c'est une vraie photo de vacances à la mer du Nord, en fait. Vous savez où il est? Non, c'est pas dit, malheureusement. Ils nous ont pas dit. Il reste un petit peu en top secret. Ouais, ça sent pas le Caraïbe, ça sent le truc proche de chez nous. Bon. Oui, en tout cas, l'eau est pas trop transparente. Ouais, un peu verte, ouais. Un peu verte comme chez nous. Ouais, c'est Ostende, près de l'Estacade. Ouais. Chaim qui sème le trouble au JO. Oui, alors si vous suivez les Jeux Olympiques, vous aurez peut-être entendu parler d'un certain Benoît Paire, joueur de tennis français, 27 ans. Eh bien, il a été exclu tout simplement des JO. Et là, vous vous demandez peut-être pourquoi. Eh bien, apparemment, on ne le trouvait pas assez investi, pas assez impliqué dans les Jeux Olympiques. On lui a gentiment demandé de faire sa valise et de s'en aller. La raison pour laquelle il aurait été exclu, ce serait sa belle Chaim. Chaim, on la connaît, évidemment. Chaim, c'est la chanteuse. Qui se prend souvent des râteaux sur scène. Oui, aussi, c'est vrai. Elle est déjà tombée plusieurs fois, notamment dans la fosse, quand elle veut surfer sur le public. Eh bien, la Chaim est à Rio avec lui. Le gars a passé trop de temps avec sa madame. N'a pas forcément été présent dans le village olympique. Ah ouais, la photo que vous amenez, il tire la tête. Ah, c'est assez drôle, puisque la réaction de Benoît Paire en se faisant exclure des Jeux Olympiques, c'est « Je suis content d'être parti ». Et là, c'est assez drôle, parce qu'on se dit que finalement, sa réaction, c'est un petit peu comme Chaim chantait. C'est quand même de sa faute, c'est la faute de Chaim alors. A priori, c'est ce qu'on dit dans les News People. Ah ben dis donc, le gars il attend 4 ans pour les Jeux et à cause de madame il se fait exclure. Ah, il y en a beaucoup où madame tient la culotte, donc attention. Et c'est souvent les machos, c'est souvent les machos. La raison que vous réglez vos comptes non, avec quelqu'un. Non, pas du tout, parce que moi il y a 2 culottes à la maison, donc ça va. Voilà une femme qui tient la culotte avec élégance, elle s'appelle Dani Klein. Vous connaissez Dani Klein, qui était la voix, le visage de Vaya Kondios, qui a stoppé Vaya Kondios et qui est revenu nous présenter dans le courant de la saison son hommage à Billie Holiday. Dani Klein était donc à cette table il y a quelques semaines. Notre invitée ce matin, vous la connaissez dans Vaya Kondios, qui n'existe donc plus. Eh bien, Dani Klein revient avec un album de reprise de chansons de la jazzman américaine, Billie Holiday. Ça s'appelle Dani Sings Billie. Bonjour, Dani Klein. Bonjour. Avant de parler de ça, reconstituer Vaya Kondios. Mais enfin, mais arrêtez. Bon sang, je milite, j'ai fait signer des pétitions toute la matinée. Est-ce que vous me dites oui? Non, quand je dis non, je dis non. Ah, bien, bien ça. Je suis sûr que ça vous manque un peu, mais non? Mais pas du tout. Mais si. Ah. Mais non. Un petit concert exceptionnel de reformation. Un petit, on facture les places à 300 euros. Et on vient 100 000, je vous le dis. Là, oui. Sérieux, vous pourriez dire oui? Mais non. Oh. C'est dommage parce que j'y ai cru à un moment. Alors, ça donne quoi, Dani Klein, dans un exercice de jazz consacré à Billie Holiday? Voici une intro qui vous donne un peu la tonalité de l'album. Ça dit dit mon ami qu'il y a trois musiciens derrière. Si vous aimez la musique et les musiciens, il y a trois musiciens du tonnerre. Plage suivante. I'm gonna lock my heart in, throw away the key. Dans une seconde, on parle de Billie Holiday, mais alors vous êtes fameusement comique parce que vous dites dans toutes les interviews, en fait, j'aime pas trop le jazz, mais je fais un album de jazz. C'est vrai, j'aime pas le jazz, en fait. Pourquoi vous aimez pas le jazz ? Parce que je trouve que le jazz est devenu super compliqué, un peu, je sais pas, intellectualisé, comme ça. On recule toujours les limites de ce qu'on peut faire, on complique tout, on fait des harmonies pas possibles. Enfin, sinon, moi, ça m'emmerde complètement, le jazz, en fait. Ah, c'est marrant parce qu'en plus, dans le making-of de l'album, on trouve quelques images de votre fabrique sur internet, et alors on voit à un moment les musiciens qui disent oui attends la note là, la oui, troisième mesure ça. Tu dois aller, mais c'est obligé d'être un peu technique dans le jazz. Oui, et en même temps c'est génial de travailler avec des musiciens de jazz parce qu'ils savent tout faire, ils savent tout jouer, ils connaissent la musique comme personne, et donc on peut tout leur demander quoi. Billie Holiday, 1915-1959, si vous ne l'avez jamais vu, jamais entendu, voici Billie Holiday à l'époque donc. It cost me light. But there's one thing that I've got. It's my man. Vous la découvrez quand vous avez quel âge, Billie Holiday ? Je me souviens plus, en fait, mais j'ai l'impression de l'avoir écoutée toute ma vie, quoi. C'est votre musique d'adolescente ou d'enfant ? Non, pas d'enfant. Mon père écoutait plutôt Ella Fitzgerald que Billie Holiday. Mais, ouais. Mais en fait, je sais pas, je dois l'avoir. Je sais pas si j'avais 18 ans, 20 ans, je sais pas. Mais à partir du moment, en tout cas, où je l'ai écouté, j'ai plus jamais cessé de l'écouter. Vous savez que quand on est jeune, souvent on s'identifie. Alors je vous fais un rapide portrait de Billie Holiday et on voit autour de la table qui s'identifie dans Billie Holiday. Donc dans sa tendre enfance, placée dans une maison de redressement pour jeunes noirs où elle connaît le viol et la violence, allez voir. En 28, elle arrive à New York, elle fait le ménage dans un bordel, elle finit par se prostituer et puis elle tombe dans la drogue, l'opium, la cocaïne, la prison. Bref, c'est un parcours à la fois de déchéance mais de grandeur comme peuvent en connaître parfois les musiciens. Vous vous reconnaissez là-dedans ? C'est un parcours violent, quoi, chez Billie Holiday. Oui, mais bon, oui. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est pas tellement son parcours, c'est sa voix, c'est ce que ça me fait. Ouais. Ça me touche, ça me touche mon âme. Voilà. Il y a beaucoup de chansons qui sont sans doute un peu noires et inspirées de ce qu'elle a vécu. Vous avez évacué toutes les chansons un peu sombres. Moi, je voulais pas justement toutes ces chansons, justement à la Johnny, c'est un salopard, mais je l'aime quand même. Johnny, tu n'es pas un ange. Oui, là, ça vraiment, ça, j'ai, justement, ça c'est bon, ça, j'ai donné. Ça. Non, je fais plus dans ce genre d'article. J'allais vous le demander. Je ne fais plus la maison ne fait plus ce genre d'article. Ni crédit, ni rien. Oui, c'est non. Ça. Il y avait ça dans les épiceries pour garder ses amis, la maison ne fait pas crédit. Ouais. Donc vous avez sélectionné tout ce qui est un peu plus quoi, joyeux. Plus joyeux, oui. Oui, plus positif, oui. Alors on écoute ce que ça donne. Par exemple, la plage 5, ça s'appelle The Fine Romance. The fine romance, my friend is saying. The fine romance. Plage 7, Summertime. We're not summertime. Un peu bossa nova celui-là. Un peu salsa, oui. Ouais. Plage 2, Do Your Duty. Un effort, Benjamin, vous êtes un mauvais DJ, mettez un petit peu d'emphase quand vous lancez les morceaux, non ? Écoutez, on fait pour du jazz, on fait bangazi ! Nous maintenant Billie Holiday. David Guetta de 8-9. Non, excusez-moi. On n'est pas dans le même événement. Ah, tu me l'enlèveras pas, Danny Klein, c'est une femme. Elle est c'est magnifique. C'est une bonne femme, c'est une femme. Elle est belle, elle est riche, elle est... Vraiment, stop, non, je t'ai plus. Non, mais pas riche dans le sens riche, dans le sens riche... Non, de cœur. De cœur, oui. Bien compris. Dans un instant, quelles sont les sandales à mettre ? Tropéziennes ou pas tropéziennes ? La 2, en télé. Retrouvez les actualités et les résultats des Jeux Olympiques dans Viva Rio Le Mag, dès samedi 14h sur La 2. La Pro League. La Coupe de Belgique, la Champions League, l'Europa League, les Diables Rouges. Vivacité, le top du foot, c'est chez nous. Top It, astuce congélation du jour. Nous, les sa congélation Top It, tenons droit spontanément. Pour ne pas perdre une goutte en nous remplissant. Optez pour le frais sain avec Top It. Aussi frais que frais avec Top It. Jean, mais qu'est-ce que tu fais? J'arrive plus à dormir. Lève-toi alors. Yes! Les jus de fruits Materne, ça donne envie de se lever plus tôt. Merci les fruits. Merci Materne. Au rayon frais de votre supermarché. Vivacité présente les Showcase Joker Plus du Beau Vélo de Ravel. Salut, c'est Anouar. Je suis très heureux de revenir cet été sur le Beau Vélo de Ravel. Je vous attends en pleine forme ce samedi 13 août à Namur pour partager un bon moment tous ensemble. BG Scott et Tima se joindront à la fête. À samedi. Le Showcase Joker Plus du Beau Vélo de Ravel, ce samedi 13 août à Namur. Un événement gratuit et accessible à tous. Joker Plus, chaque jour est un jour de chance. Et c'est goal ! Goal, goal, goal, goal, goal ! Sport Foot Magazine, les bouche bée, les fans les plus déchaînés. Cette semaine, l'édition spéciale compétition européenne. Sport Foot Magazine, vivez le foot. En vente maintenant. Le 8-9. 8h54. D'abord, je teste le public masculin. Pierre, est-ce que vous regardez les pieds des femmes en général ou vous ne regardez pas? Ah si, c'est important. Oui, c'est important. Alors, aimez-vous les femmes en trapézienne? Ce sont donc ces sandales à lanières. Alors, les semelles de trapézienne, du moins, les fameuses sandales donc trapézienne, ce sont des copies des spartiates. Mm-hmm. Donc, on l'a au niveau de la cheville, ou on l'a directement au niveau donc, du mollet. Mm-hmm. Ce sont des lanières comme ça en cuir qui se déposent carrément sur votre jambe. Et je trouve ça, moi, très élégant. Mais les hautes, attention pour les courtes, les filles. Donc, ça, les hautes, c'est celles qui enrobent la cheville. Qui enrobent le mollet. Carrément le mollet. Ah, c'est donc attention maintenant, s'il y a du soleil, si vous voulez ne pas avoir un coup de soleil et avoir les bandes les jambes zébrées, donc attention à ça. Non mais c'est important, Benjamin. Et alors on a sorti aussi, là c'est un entre-doigt, ça s'appelle. Donc on a une. Donc il y a une autre proposition, c'est juste la semelle avec simplement trois petites avec, sangles. Avec trois bris. Donc ça c'est beaucoup plus élégant, c'est beaucoup plus agréable. Même si maintenant on a un petit coup de soleil, ce sera beaucoup plus facile à masquer que justement la grille de gaufre qu'on avait juste avant. Et alors, il faut savoir aussi une chose, c'est que pour bien porter donc ces sandales, il faut toujours avoir une semelle en cuir. Mais maintenant, on a un effet de mode où on a vraiment une semelle de basket en dessous, donc des sandales. Ouais. Donc, pour les personnes qui veulent faire mode, mettre la version donc basket. Mm-hmm. Pour les personnes qui veulent être plus authentiques, mettre la semelle en cuir. Mais il faut savoir entre les deux que grâce au cuir, ça va vous permettre donc de vous décharger au niveau donc des ions négatifs que vous pouvez avoir en vous. Ah et bon, la terre vous recherche en ions positifs. Alors que quand vous mettez le côté plus mode, comme le caoutchouc donc ne peut pas transmettre ça vis-à-vis de la terre. Donc voilà, c'est pour ça qu'on est toujours bien en vacances, parce que on a justement cette décharge et la terre vous recharge. Mmh. Et c'est ça qui vous donne vraiment ce côté bien-être. Alors puisqu'on voit vos pieds, quel vernis, Pierre, quel est le vernis que vous aimez sur les pieds des femmes en général quand vous regardez? Assorti aux mains peut-être aussi, ouais. Ah ouais, assorti. Julie, quel est le vernis que vous mettez sur vos pieds si vous en mettez? Assorti aux mains. Assorti aux mains. David, quel est le bon conseil? Alors, il y a plusieurs conseils et ça dépend surtout des styles et des caractéristiques donc des personnes. Il y a des filles qui sont très fifi, comme je les appelle, et donc qui vont rajouter un vernis avec des doigts de pied donc de différentes couleurs, ou un vernis uniforme, parce que maintenant il y a du semi-permanent, on peut avoir vraiment un bel ongle pendant au moins une semaine, sans avoir à rajouter des résines et tout ça. Et elles rajoutent des petites perles, elles rajoutent des petits strass, elles peuvent rajouter donc elles peuvent avoir des vernis argentés ou dorés. Donc ça, moi, je trouve que quand c'est l'été, on peut vraiment se permettre des petites fantaisies. Mais il y a un âge pour ça, ou c'est que pour jeunes filles, ça, le côté... Moi, personnellement, les paillettes et tout ça, j'arrêterais à 28-30 maximum. Ah oui, parce que... Non, mais quand je dis 28-30, j'irais même peut-être avant, mais sinon, les filles, je sais bien qu'elles adorent ça. Excusez-moi, les filles, mais voilà, vous êtes belles, c'est votre choix. Moi, je ne vais jamais aller à l'encontre. Mais on a aussi, donc, je veux dire, des tendances. Donc, on peut avoir un vernis noir mat. On peut avoir donc justement cette fameuse French qui est indémodable et justement qui passera toujours partout et qui vous fera un pied sain. Hein, donc visuellement, on aura envie de l'embrasser. Et donc, n'hésitez pas. Le vernis, c'est une chose, mais n'hésitez pas de toujours bien vous essuyer les entre-doigts de pied, parce que sinon, il y a des petites crevasses. De toujours bien nourrir votre pied, parce qu'en été, le pied sèche. Et de toujours bien nettoyer donc aussi ou râper le talon pour ne pas avoir des fissures. En 20 secondes, j'assortis inévitablement mains et pieds, où je peux faire dépareiller? Sincèrement, en vacances, on peut faire dépareiller. Parce qu'on a toujours. Qu'on peut faire dépareiller. Parce qu'on a toujours soit un pareil ou autre chose. Donc, on peut avoir le vernis jaune au pied et on peut avoir un vernis ou une French au-dessus. Voilà. Retenons donc qu'à 28 ans, une femme est vieille. Merci, David. Mais non, je vous interdis. Vous l'avez dit. Il l'a dit. Votre partenaire pour l'été. Solaire, mini format, premier soin. Tout est chez Di. Faites-vous plaisir. Ça me permettrait pas te demander votre âge, Caroline Gillet, après tout ça. 28 ans. Ah, prenez une chaise, madame. Merci. Vous me laisserez la place dans le bus. Vous serez bien aimable. Avec une nuit qui a été froide aujourd'hui, la matinée est froide également, puisqu'on ne dépasse pas les 10 degrés sur beaucoup de régions. Les nuages se font de plus en plus présents à partir de l'ouest ce matin. On a déjà des averses sur le centre du pays, des averses qui vont gagner l'est dans l'après-midi. Une journée automnale, donc, avec de la grisaille, de la pluie et des températures bien basses pour la saison. 14 degrés sur les reliefs, 17 sur le long du Sion-Sambre-et-Meuse, 18 degrés dans le centre. Ça va se calmer dans la nuit avant le retour du soleil et des éclaircies pour demain. Merci madame. Donc, la grande évasion vous attend de l'autre côté des infos. RTBF Ovio, c'est ma toute nouvelle plateforme digitale audio et vidéo. RTBF Ovio, c'est en quelques clics une foule de contenus à voir et à écouter en direct, plus tard ou même avant les autres. rtbf.be/ovio. A-U-V-I-O. RTBF Ovio, libérez vos envies. Très belle journée, vous écoutez Vivacité, il est 9h. Il y a 9h, voici le journal avec Nathalie Servet. Bonjour Nathalie. Bonjour Pierre, bonjour à tous. Et une troisième médaille pour la Belgique. Et après l'or de Van Avermaet et le bronze de Van Tickelt, voici donc l'argent de Timmers. Le Limbourgeois a décroché un troisième métal pour la Belgique en montant sur le podium du 100 mètres nage libre. Un véritable exploit pour Peter Timmers qui s'était classé 6e en demi-finale. On écoute sa réaction à la sortie de la piscine. Ik heb ook altijd gezegd, ik wil hier zo goed mogelijk zwemmen, mijn beste race ooit. Je l'ai toujours dit, je voulais nager le mieux possible et faire ici la plus grande course de ma vie. J'ai tout mis en place pour ça, je me suis préparé comme un forcené. Je ne peux pas faire mieux que ce soir, je veux rester sur ce sentiment. J'ai toujours dit aussi que je voulais arrêter au sommet, je vais encore continuer pendant un an, mais je vais nager à mon aise, je n'en peux plus de tous ces entraînements. Je veux profiter maintenant, ceci était mes derniers Jeux Olympiques. Dit waren zeker mijn laatste Olympische Spelen. Een kleintje word in het Frans voor de RTBF nu. Fantastiek. Bedankt. Félicitations. Dank je, merci. La réaction de Peter Timmers tôt ce matin au micro de François Zaleski. Au programme du jour, un menu belge chargé avec le 8e de finale de David Goffin en tennis, le début de la compétition de golf avec Peter Sekolsaerts et le 4e match de hockey de la Belgique face à l'Espagne et puis du judo avec Thomas Nikiforov, le Bruxellois engagé en catégorie moins de 100 kilos et médaillé de bronze au dernier championnat du monde et l'un de nos espoirs de médaille, à condition qu'il ne souffre plus du syndrome des loges, un mal caractérisé par des crampes et qu'il avait handicapé lors du dernier mondial. Nikiforov avait dû se faire opérer aux deux avant-bras en novembre. Aujourd'hui, il croise les doigts. Bien sûr, j'ai un petit peu peur que ça revienne. Maintenant, j'y pense pas du tout. Si ça vient, bah voilà, ça viendra. Mais les kinés font le nécessaire. Je me fais masser tous les jours. On fait de la prévention. Je mets de la glace, je m'étire. Donc on fait vraiment tout le nécessaire pour ne pas que ça reproduise. Une interview de David Bertrand. Et puis cette question. Et puis cette question, y a-t-il une librairie radicale dans le centre de Bruxelles ? La réponse est oui pour l'échevine et maire bruxelloise Marion Lemaire. Elle estime que la librairie islamique située boulevard Le Monnier en plein centre-ville vend des livres qui poussent au djihad. Comme le bâtiment appartient à la ville, elle souhaite que le bail du gérant soit résilié sur le champ et donc faire fermer cette librairie. Une sortie qui surprend le libraire ainsi que l'ensemble du collège échevinal. Reportage de Geoffroy Fabry. Judaïsme, christianisme, islam, le Nouveau Testament. Les musulmans dans l'histoire de l'Europe, tome 1 et tome 2, les voix d'Allah. Je vends de tout, les livres. C'était une librairie ouverte pour tout le monde. Ahmed Lamjadi, le gérant de cette librairie, y travaille depuis plus de 30 ans. Il n'a jamais eu de problème et les propos de l'échevine l'ont fortement choqué. Est-ce qu'il raconte sur le livre salafiste? On doit voir ce livre. Est-ce qu'il est acheté chez moi?